La même chose se dit la stessa cosa. La stessa cosa. Stessa, avec deux S que l'on doit bien entendre. Et donc, je veux la même chose pour moi, donnerai? Voglio la même chose. Voglio la stessa cosa per me. Voglio la stessa cosa per me. Tout à fait. Comment diriez-vous maintenant ce n'est pas la même chose? Ce fonctionne comme je ou il. Donc on ne le traduit pas en italien. On passe directement au verbe. La terminaison du verbe suffit à faire comprendre de quoi on parle. Et non la stessa cosa. Ah non. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Bien. Si vous voulez dire il y a telle ou telle chose, vous direz c'è. C'è est la contraction de ci et du verbe essere à la forme il ou elle au singulier. C'est-à-dire est, puisqu'il n'y a qu'une seule chose. Donc c'è, c'est il y a quand il n'y a qu'une seule chose. Et ci sono, c'est il y a quand il y a plusieurs choses. Avec sono, du verbe essere, qui correspond à il ou elle au pluriel. Ci sono. Mot à mot, c'è équivaut en fait à il y est et ci sono à il y sont. Alors, comment diriez-vous il y a un message pour vous? C'è un... Un me... Nous n'avons pas encore vu ce mot. Essayez de deviner. D'accord. Messaggio. Oui, mais avec deux G. Messaggio. C'è un messaggio. C'è un messaggio. Pour vous? Per... Per... Pour vous. Per lei. Per lei. C'è un messaggio per lei. C'est ça. C'è un messaggio per lei. Les gens, c'est un pluriel en français, mais un singulier en italien. La gente. La gente. G-E-N-T-E. La gente. Comment diriez-vous beaucoup de gens? Molta? Oui. Molta gente. Gente. Gente. Molta gente. Molta gente. Voilà, au singulier. Molta gente. Dites maintenant, il y a beaucoup de gens ici. C'è. Oui, bien. C'è, parce que c'est un singulier. C'è molta gente qui. Très bien. C'è molta gente qui. Comment les diriez-vous en italien? Ah, ce n'est pas à moi qui vous pose une question. C'est la phrase que je vous demande de traduire. Come? Come dice? Le. Comment le diriez-vous? Come? Come lo dice in italiano? D'accord. Come lo dice in italiano? Mot à mot, votre phrase veut dire comment le dites-vous? Alors que je vous avais demandé comment le diriez-vous, mais ce n'est pas grave. Au lieu de « comment le dites-vous », on pourrait dire aussi, en fait, ce sera plus naturel, on pourrait dire aussi « comment le dit-on ». Et pour l'équivalent de « on » en italien, on emploie « si ». Alors, pour revenir à notre phrase de tout à l'heure, comment ça se dit en italien ?« Come ». Come si dice in? In italiano? Voilà. Come si dice in italiano? Comment ça se dit en italien? Ah, nous n'avons pas traduit ça. C'est normal? Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure et que nous avions vu au début de ces cours. En italien, on utilise des mots comme je, il ou elle seulement si on veut insister sur le sujet en question ou éviter un malentendu. Vous savez bien, par exemple, que pour dire « je mange », on dit simplement « mangio ». On ne traduit pas « je ». Eh bien, ici, c'est pareil. On ne traduit pas « ça ». On dit directement « si dice », mot à mot « se dit ». Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Il y a un contexte qui nous indique de quoi on parle. Ah, d'accord, je vois. Come si dice in italiano? Come si dice in italiano? Come si dice in italiano? Oui, mais répétez, s'il vous plaît. Il me semble que vous faites une erreur. Come? Come si dice in italiano? Voilà. Come si dice in italiano? C'est bien si et pas se. Écrire se dit scrivere. Ça ressemble à écrire, mais aussi à scribe, par exemple. Scrivere. Comment diriez-vous j'écris? Scrivo. Scrivo. Et traduisez, pourquoi ne m'écrivez-vous pas? Perché non mi scrive? Non? Non mi scrive? Perché non mi scrive? Voilà. Comment dites-vous maintenant, pourquoi ne m'appelez-vous pas? Perché non mi chiame? Quel est le verbe? Comment dit-on appeler? Chiamare. Alors? Chiama. Oui. Perché non mi chiama? Perché non mi chiama? Oui. Ce que vous avez fait, c'est que vous êtes arrivé au verbe. Vous avez dit « perché non mi chiama ?» Et là, vous vous êtes dit « est-ce que c'est chiama ou chiame ?» Vous vous êtes impatienté et vous avez pensé « bon, je vais en dire un au hasard ». Eh bien, c'est justement ce que je ne veux pas que vous fassiez. Vous vouliez en finir, vous vouliez terminer votre phrase le plus vite possible. Du coup, vous avez hasardé une réponse. Mais je ne veux pas que vous essayiez de deviner les constructions ou les conjugaisons. Pour le vocabulaire, d'accord, mais pas pour la grammaire. Donc, c'est très important de ne pas s'impatienter et de réfléchir avant de faire sa phrase. Bien, alors, revenons à nos questions. Comment dit-on ou comment ça se dit? Come si dice? Si, si dice. Come si dice? Come si dice? Oui. Et comment ça s'écrit? Come si scrive? Tout à fait, oui. Come si scrive?